Lehenaldia da Frantzia mailan elkargo batek aukera duela Europar programa hortan parte hartzeko. Transizio ekologiko eta energetikoaren alde pausu handia izanen dela uste du Martin Bizota, elkargoko transizio ekologikoaren autetxeak. Oui, je pense que c'était une très bonne chose d'avoir été retenu parce que c'est un programme ambitieux, c'est un levier qui est quand même conséquent de la transition écologique et énergétique en Pays Basque. Voilà. Dirustatze tresna garrantzitsua izango da hortarako, Europako Inbertsio Bankuaren sustengua ukanen du Euskal Hirigune Elkargoak. 45 millions possibles d'euros pour les projets qui auront été après instruction et constatation de leur faisabilité retenus. 73 partaidek bat egin dute proiektu hontan, Elkargoko 77ek, alokatzaile sozialek edota garraioen sindikatuak, baina susen zer eginen da diru zama horrekin, lentasunetan, egoitza publikoen berritze energetikoa. Des crèches, ça peut être sur des bâtiments sportifs, ça peut être sur des bâtiments culturels. Et ensuite, il y a aussi plusieurs projets d'énergie renouvelable, notamment de photovoltaïque solaire. Lan horiek hasia intzin ikerketa fase luze bat dirustatuko du programak 3 milioi eurokoa izango dena, ikusteko proiektuak egingarriak diren.